Chapitre 34e. Une voiture à quatre chevaux arrive à Greshamsbury. Pendant les 12 derniers mois, Sir Louis avait réussi à porter le trouble dans Greshamsbury. Maintenant qu'il était trop tard pour le sauver, le docteur se disait que le testament de Sir Roger ne pouvait lui imposer des devoirs qu'il lui était impossible de remplir. Bien que son père eût désiré faire de lui un enfant aux yeux de la loi, Sir Louis ne l'était plus. Il connaissait ses droits. Il était décidé à les faire valoir, et 3 mois ne s'étaient pas écoulés depuis la mort de Sir Roger que le docteur Thorne s'était trouvé en perpétuelle contestation avec un petit procureur de Barchester auquel Sir Louis avait confié ses intérêts. Si le docteur eut à souffrir, il en fut de même pour le squire et pour ceux qui avaient jusqu'alors la direction de ses affaires. Le docteur s'aperçut bientôt qu'il aurait à débattre non seulement avec maître Fanny de Barchester, mais encore avec le squire lui-même. Lorsque maître Fanny le harcelait, il était forcé de harceler à son tour M. Gresham. Il ne se donnait pas pour un jurisconsulte consommé, quoiqu'il eût très bien arrangé les affaires entre le squire et Sir Roger, et qu'il se fût peut-être flatté de s'en tirer très habilement, il lui était complètement impossible d'établir la bonne entente entre Sir Louis et M. Gresham. Il fut donc obligé de recourir lui-même à un homme de loi, et selon toute probabilité, le montant du legs que lui avait laissé Sir Roger devait peu à peu être dépensé de cette manière. Puis les hommes de loi du squire durent aussi intervenir, au grand détriment du pauvre M. Yates Humbleby, qu'on accusa d'avoir embrouillé les affaires confiées à ses soins. Les comptes de M. Humbleby étaient en désordre, il n'avait pas des idées très lumineuses, et lorsqu'il se vit poussé à bout par le subtil légiste qui vint tout exprès de Londres, il avoua être au bout de son latin, de sorte qu'il fut suspendu de ses fonctions, et M. Gatsby, le subtil légiste de la capitale, régna à sa place sur le rôle des rentes très diminuées de Greshamsbury. C'est ainsi que tout allait de travers à Greshamsbury, excepté pour Béatrice et pour M. Auriel. Miss Gushing attribuait la déposition de M. Humbleby à la petite victoire que Béatrice avait remportée en lui enlevant M. Auriel, car Miss Gushing était parente des Humbleby et demeurait avec eux depuis plusieurs années. Si elle avait voulu intriguer comme Miss Gresham, disait-elle, elle aurait pu facilement épouser M. Auriel, oh, très facilement, mais elle avait dédaigné de s'en donner la peine. Toutefois, quoiqu'elle dût dédaigner, les Gresham n'en avaient pas moins été irrités. Et M. Humbleby s'était vu mis de côté. Nous ne pouvons guère le supposer, car généralement la victoire rend l'homme généreux, mais il est possible qu'à force de le répéter, Miss Gushing finit elle-même par le croire. Le squire avait surtout à souffrir de ce triste état de choses. Humbleby était pour lui une espèce de factotum qu'il pouvait mener comme il lui plaisait. Il pouvait le voir quand il voulait et où il voulait, le gourmander quand il était de mauvaise humeur et se moquer de lui quand il était en humeur de rire. M. Humbleby savait et supportait tout cela. Mais M. Gatsby était d'une autre trempe. C'était le plus jeune associé de la célèbre maison d'affaires Gumption, Gatsby et Gatsby, maison qui n'avait jamais dérogé à sa dignité en négociant d'autres affaires que celles de l'ordre le plus élevé. Elle dressait des baux et gérait des terres pour le duc d'Evry et pour Lord de Courcy. Et depuis son mariage, un des plus chers désirs de Lady Arabella avait été de voir les intérêts de Greshamsbury confiés à la sage direction de cette respectable maison. Le squire avait longtemps résisté, mais maintenant, hélas, il ne pouvait plus reculer. Il avait ajourné le fatal moment et différé d'odieuses investigations aussi longtemps qu'il l'avait pu, et quand il fut absolument nécessaire de renvoyer M. Humbleby, il ne lui resta plus qu'à se mettre entre les complaisantes mains de messieurs Gumption, Gatsby et Gatsby. Qu'on ne suppose pas que messieurs Gumption, Gatsby et Gatsby ressemblassent en rien aux procureurs ordinaires. Ils n'écrivaient pas de lettres à raison des 18 pence. Ils ne faisaient pas rentrer de dettes. Ils n'enfilaient pas des liasses de comptes. Ne faisaient pas payer tant par feuille pour des attendus que et des sudis, etc. Non. Leurs occupations consistaient à gérer les biens des grands seigneurs, à dresser des baux, à faire de légales assignations, à rédiger des contrats de mariage et veiller à l'exécution des testaments. Parfois aussi, ils avaient à faire rentrer de l'argent, mais il était généralement sous-entendu qu'ils le faisaient par procuration. Leur maison avait existé pendant 150 ans, et la raison commerciale avait souvent varié dans l'ordre des noms, mais jamais dans les noms eux-mêmes. Elle avait été toujours Gatsby, Gatsby et Gumption, puis Gatsby et Gumption, puis Gatsby, Gumption et Gumption, puis Gumption, Gumption et Gatsby, et maintenant c'était Gumption, Gatsby et Gatsby. Monsieur Gatsby Junior était un jeune homme très élégant. En le voyant chevaucher dans Hyde Park, vous l'eussiez à peine pris pour un homme de loi, et lui-même eût été bien étonné si on l'eût pris pour ce qu'il était. Il était passablement chauve, et il n'était plus, ainsi que s'expriment quelques personnes, aussi jeune qu'il l'avait été. Il n'avait que 38 ans et il avait des favoris couleur de jais. Il avait aussi des yeux noirs, un nez pointu, une bouche qu'on pouvait appeler aristocratique, et sa mise était toujours d'une élégance irréprochable. Le fait est que M. Gatsby, l'associé de la maison Gumption, Gatsby et Gatsby, ne se considérait nullement comme fait de la même pâte que le commun des mortels. Quand cette célèbre maison fut appelée à tirer M. Gresham d'embarras, et qu'on lui eut exposé l'état de ses affaires, elle se montra assez peu disposée à entreprendre cette tâche. Mais même probablement par son respect pour les deux Courcy, elle y consentit enfin et M. Gatsby Jr. partit pour Greshamsbury. Le pauvre squire eut bien des mauvais jours à passer avant de pouvoir de nouveau se sentir maître chez lui. Cependant, quand M. Mortimer Gatsby venait au manoir, ce qu'il fit à plusieurs reprises, il y était toujours reçu en grand seigneur. Il était toujours le bienvenu pour Lady Arabella, qui, pour la première fois de sa vie, pouvait parler confidentiellement des affaires de son mari avec la personne chargée de l'administration de sa fortune. M. Gatsby était aussi le favori de la comtesse de Courcy, et comme c'était un homme à la mode à Londres et bien différent du pauvre M. Humbleby, il était toujours accueilli au manoir avec des sourires. Il avait mille petites manières de se rendre agréable, et au bout de quelques mois de relations avec lui, Augusta déclara à sa cousine Lady Amelia que M. Gatsby serait un parfait gentleman s'il n'était pas descendu d'une famille où il n'y avait jamais eu que des procureurs ou des notaires. Lady Amelia sourit de son sourire aristocratique, haussa légèrement les épaules et dit que M. Gatsby était en effet un excellent homme. La pauvre Augusta se sentit toute confuse. Elle pensa peut-être au fils du tailleur, mais comme les jugements de Lady Amelia étaient sans appel, elle ne dit plus rien pour le moment en faveur de M. Gatsby. Tels étaient donc les fléaux, et le pire de tous était M. Gatsby, que Sir Louis avait accumulé sur la tête du pauvre squire. Il y aura des personnes qui diront qu'il se les était attirés lui-même en contractant des dettes. On ne peut le nier, mais il n'en est pas moins vrai que l'intervention du baronnet était inutile, vexatoire, méchante même, pourrait-on presque dire. Ses intérêts étaient en parfaite sûreté entre les mains du docteur, et il n'avait, dans le fait, aucun droit de se mêler de cette affaire. Mais ni le squire ni le docteur ne pouvaient l'en empêcher, et si Sir Louis ne savait pas ce qu'il faisait, Maître Fanny le savait pour lui. C'est ainsi que tous trois continuaient la lutte, chacun par l'intermédiaire de son homme de loi, et beaucoup d'ennuis de part et d'autre. Cela était dur pour le docteur, qui n'avait jamais emprunté d'argent. Il n'y avait guère lieu d'espérer que la visite de Sir Louis à Greshamsbury arrangerait les affaires. On pouvait présumer qu'il n'y venait pas dans des vues conciliatrices, mais dans le but de veiller sur ses biens, phrase qu'il avait constamment dans la bouche. Il pouvait trouver nécessaire, tout en veillant sur ses biens, de dire des choses très désagréables au squire, et le docteur n'osait se flatter que tout se passerait à l'amiable. La première lettre de M. Grayson fut suivie d'une seconde, et la seconde fut suivie par le baronnet en personne. Lui aussi demanda à être reçu en grand seigneur, plus impérieusement peut-être que M. Mortimer Gatsby lui-même. Il arriva de la station de Barchester, dans une voiture traînée par quatre chevaux de poste, et se fit conduire devant la porte du docteur avec un fracas qui faillit étourdir tout Greshamsbury. Depuis de longues années, le squire se contentait de revenir chez lui avec deux chevaux de poste. On n'en voyait jamais quatre dans le village, excepté quand les deux Courcy venaient au manoir ou que Lady Arabella revenait avec toutes ses filles de ses expéditions de Londres. Quoi qu'il en fût, Sir Louis arriva dans une voiture à quatre chevaux, et il n'avait pas l'air arrogant, couché à demi dans le fond de sa voiture et enveloppé de fourrure, quoiqu'on fût alors en plein été. Sur le siège de derrière était un groom à l'air plus arrogant que son maître, si cela était possible, et l'objet tout particulier du dégoût et de l'aversion du docteur Thorne. C'était un petit homme choisi comme groom à cause de la légèreté de son poids à cheval. Mais si cela peut être considéré comme un mérite, c'était le seul qu'il posséda. Sa livrée se composait d'un petit frac très juste, autour duquel une courroie de cuir bien polie était toujours étroitement serrée, d'une cravate blanche en pesée, de culottes de peau, de bottes à revers et d'un chapeau à cocarde. Son nom était Jonas, que son maître et les amis de son maître avaient abrégé pour en faire Joey. Mais il n'y avait que les intimes de Sir Louis qui pussent l'appeler aussi impunément. Joey, avons-nous dit, était l'objet tout particulier de l'aversion du docteur Thorne. Dans son désir de faire tout ce qui dépendait de lui pour empêcher Sir Louis de précipiter la fin de ses jours, le docteur avait d'abord tenté de gagner le domestique du baronnet. Joey avait fait les plus belles promesses, mais il n'avait pas tardé à trahir le docteur et était devenu un des plus terribles instruments dévices de son maître. Lorsque Mary vit arriver la voiture, elle se réfugia dans sa chambre, et le docteur, qui était avec elle dans le salon, se disposa à aller à la rencontre de son pupille. Mais quand il aperçut le chapeau à cocarde de Joey, son irritation fut à son comble. Il s'élança presque involontairement dans sa pharmacie et en ferma la porte. Cependant, il ne tarda pas à comprendre que la bienséance l'obligeait à aller au-devant de son hôte, et il se décida à faire face à l'ennemi. « Et donc, vous autres ?» s'écria Joey en s'adressant à Janet, qui faisait la révérence devant la porte avec Brigitte. « N'y a-t-il personne ici pour prendre ses effets ? Allons, venez ici !» Le domestique du docteur était par hasard absent, et là se bornait tout le personnel masculin de sa maison. « Prenez ses effets, Brigitte, » dit le docteur en s'avançant et offrant la main au baronnet. À la vue de son hôte, Sir Louis se souleva lentement dans sa voiture. « Comment vous portez-vous, docteur ? » dit-il. « Quels affreux chemins vous avez par ici ! Et ma parole, il fait aussi froid qu'en hiver !» Ce disant, il descendit lentement de voiture. Sir Louis était d'un an plus âgé que lorsque nous l'avons vu pour la dernière fois à Boxall Hill, et d'un an plus sage aux yeux du monde. Il s'était d'abord montré passablement humble devant le docteur, mais il était fermement décidé à lui prouver qu'il savait jouer son rôle de baronnet, et qu'il avait acquis les manières d'un grand seigneur. C'était lui donner à entendre qu'il n'était nullement disposé à se laisser guider comme un enfant. Il avait pris quelques leçons de Jenkins à Londres et de quelques autres amis du même genre. Il se proposait de les mettre à profit. Le docteur le conduisit dans la chambre qui avait été préparée pour lui. Puis il lui demanda des nouvelles de sa santé. « Mais je suis très bien, » dit Sir Louis. « Il ne vous faut pas croire tout ce que dit Grayson. Il veut toujours que je prenne ses sels et ses drogues. Il pense à ses intérêts, comme tous vos confrères, docteur. Mais je ne veux pas m'y prêter, moi, à aucun prix. » Et alors il vous écrit. « Je suis charmé de voir que vous êtes assez fort pour voyager, » dit le docteur, qui ne pouvait se décider à dire à son hôte qu'il était charmé de le voir chez lui. « Oui, je suis assez bien pour voyager. Mais je voudrais que vous eussiez de meilleures routes par ici. Je suis littéralement rompu. Dites-moi, docteur, voudriez-vous dire à vos gens de m'envoyer mon domestique avec de l'eau chaude ?» Ainsi congédié, le docteur descendit et rencontra Joey, qui se promenait d'un air fanfaron dans le corridor, tandis que Janet et sa compagne traînaient une immense malle. « Janet, dit-il, portez de l'eau chaude à Sir Louis, et vous, Joey, chargez-vous de la malle de votre maître. » Joey obéit d'un air rechigné. « Il me semble, dit-il à Brigitte, en parlant de manière à être entendu du docteur, il me semble, ma chère, que vous n'êtes pas nombreux ici pour faire la besogne. Beaucoup de peine et peu de profit, hein ?» Brigitte était trop modeste et trop réservée pour répondre à une semblable question de la part d'un homme qu'elle voyait pour la première fois. Après avoir aidé à transporter la malle jusqu'à la porte de Sir Louis, elle battit en retraite dans la cuisine. Sir Louis avait affirmé au docteur qu'il se portait très bien, mais son aspect démentait ses paroles. Un an auparavant, une vie de dissipation, ou plutôt une vie d'orgie continuelle, n'avait pas encore produit tellement d'effet sur lui que quelques restes de la sève et de la fraîcheur de la jeunesse ne se distinguassent pas sur son visage. Mais il n'en était plus ainsi. Ses yeux étaient enfoncés dans leurs orbites. Ses joues étaient creuses et livides, sa bouche contractée et ses lèvres sèches comme du parchemin. Son dos même commençait à se voûter, et ses jambes fléchissaient tellement sous lui qu'il avait été obligé de descendre de voiture comme un vieillard invalide. Mary resta dans sa chambre toute l'après-midi et ne se décida à descendre au salon que quelques minutes avant le dîner. Elle ouvrit la porte et jeta un regard timide dans la chambre. Elle s'attendait à y trouver Sir Louis, mais quand elle vit que son oncle était seul, elle s'approcha vivement de lui. « Il descendra au dîner, n'est-ce pas, mon oncle ?»« Je le suppose bien. Que fait-il maintenant ?»« Je présume qu'il s'habille. Mais mon oncle ?»« Eh bien, pensez-vous qu'il monte au salon après le dîner ?» L'entrée du baronnet épargna au docteur la peine de répondre. Sir Louis était habillé d'après ce qu'il considérait comme la dernière mode du jour. Il avait un frac doublé de satin, un pantalon noir, un gilet de soie couvert de chaînes d'or, une cravate blanche, des boutons de diamant à sa chemise, des escarpins vernis et des bas de soie. Il tenait à la main un mouchoir parfumé, ses doigts étaient chargés de bagues, et il s'exhalait de toute sa personne une odeur de patchouli. Mais il trébuchait à chaque pas. En dépit de son aversion pour Sir Louis, Mary ne put s'empêcher d'être péniblement affectée en le voyant. Lui, au contraire, semblait se trouver parfait, ne paraissant nullement gêné en présence de la jeune personne qui, un an auparavant, avait si mal accueilli sa déclaration galante. Mary lui tendit la main, que Sir Louis prit en lui adressant un compliment qu'il croyait sans doute des plus flatteurs. « Ma parole, Miss Thorne, toute résidence semble vous convenir, et cela de mieux en mieux. Vous étiez charmante à Boxall Hill, mais ma parole, aujourd'hui charmante, n'est plus assez dire. » Mary s'assit sans répondre. Le docteur avait peine à surmonter son impatience. Tel était l'être pour lequel toutes ses sympathies avaient été invoquées, toute son énergie mise en réquisition, pour l'amour duquel il devait se quereller avec ses plus anciens amis, sacrifier la paix de son foyer et remplir tous les devoirs d'un tuteur dévoué. C'était là le convive qui s'était convié lui-même, qu'il était tenu de surveiller et de protéger, et qu'il ne pouvait renvoyer de chez lui. On annonça le dîner, et Mary fut obligée de passer son bras sous celui du baronnet. Certes, elle ne s'y appuya pas, au contraire, elle fut une deux fois obligée de le soutenir pour l'empêcher de tomber. Ils arrivèrent cependant sans accident à la salle à manger, suivis du docteur, et ils s'assirent tous trois. Janet servait à table selon sa coutume. « Docteur, dit le baronnet, mon domestique ne ferait-il pas mieux de venir aider à servir? Il n'a rien à faire, vous savez. Qu'en pensez-vous ? » Janet saura très bien se tirer d'affaire, dit le docteur. Oh, vous ferez mieux d'avoir Joey. Il n'y a rien de tel qu'un beau domestique pour servir à table. Dites donc, Janet, faites-le venir, voulez-vous? Nous pourrons parfaitement bien nous passer de lui, dit le docteur d'un ton si décidé que Janet crut devoir ne pas se conformer aux ordres du baronnet. Quelle folie, docteur! Vous le trouvez insolent, je le sais. Mais quand je suis là, il est souple comme un gant. Faites-le venir, voulez-vous? Sir Louis, dit le docteur, je suis accoutumé à n'avoir ici que ma vieille Janet, et si vous voulez bien le permettre, je m'en tiendrai à mes habitudes. Le baronnet n'insista plus, le dîner se passa lentement et assez tristement. Quand Mary, après le dessert, se fut esquivée, le docteur s'installa dans un fauteuil et Sir Louis dans un autre. « Vous avez de bien bons vins de Porto, dit-il. Il est excellent. » C'était peut-être la seule matière sur laquelle Sir Louis pouvait parler en vrai connaisseur. Le docteur aimait son vin de Porto, et cet éloge ne le trouva pas indifférent. Il ne l'aimait pas comme un ivrogne, mais comme un amateur aime ses tableaux favoris. Il aimait à en parler, à le louer et à l'entendre louer, à le regarder à travers la lumière, et à compter les années qu'il avait passées dans sa cave. « Oui, dit-il, il est assez bon. » Il l'était du moins, il y a 20 ans, quand je l'ai acheté, et je ne suppose pas que le temps lui ait nui. Il tenait son verre à la hauteur de la fenêtre. Il regardait les teintes du couchant à travers le rouge et transparent liquide. « Hélas, ajouta-t-il, il n'en reste plus beaucoup. C'est bien dommage. Une bonne chose ne peut durer éternellement. Je voudrais bien avoir apporté un panier de bouteilles de vin de Bordeaux. J'en ai de fameux à Londres. Il me coûte 96 shillings les 12 bouteilles, et cela par grande faveur. J'en ferai venir 2 douzaines. Je ne veux pas mettre votre cave à sec, docteur. » Le docteur fronça le sourcil. Ne prenez pas cette peine, je ne bois jamais de vin de Bordeaux, jamais ici du moins, et ma cave ne sera pas de sitôt mise à sec. Sir Louis but coup sur coup 2 ou 3 verres de vin de Porto, et l'effet fut immédiat sur son estomac malade. Cependant, avant d'être tout à fait ivre, il redoubla d'autres cuidances. Docteur, « quand verrons-nous cet argent de Greshamsbury? C'est ce que je voudrais bien savoir. »« Votre argent est en sûreté, Sir Louis, et les intérêts sont payés à jour fixe. »« Les intérêts, oui, mais reste à savoir combien de temps cela durera. »« Je voudrais bien voir le principal, moi, 100 000 livres sterling ou quelque chose comme ça. »« C'est un fameux enjeu entre les mains d'un seul homme. Aussi ne se presse-t-il pas de le rendre ?»« Je vous dirai une chose, j'irai relancer moi-même le Squire. »« Le relancer ?» Oui, le relancer, le traquer si vous préférez, lui dire un peu ma façon de penser. Passez-moi la bouteille, s'il vous plaît. De par tous les diables, j'entends et prétends savoir comment vont les choses. Votre argent est parfaitement en sûreté, répéta le docteur, et selon moi, il ne pourrait être mieux placé. Oh, tout cela est bel et bon pour vous et pour le Squire Gresham. Que voulez-vous dire, Sir Louis ? Mais je veux dire que j'irai relancer le Squire. Voilà ce que je veux dire. Là, je vous demande pardon, je vais être pendu si je n'ai pas cassé la carafe. Voilà ce que c'est que de l'avoir de l'eau à table, damnation. Et se levant pour éviter l'inondation qu'il avait occasionnée, il tomba presque à la renverse dans les bras du docteur. « Vous êtes fatigué du voyage, Sir Louis. Vous feriez mieux de vous retirer. »« Le fait est que je me sens un peu étourdi. Vos infernales routes ébranlent tellement les nerfs. » Le docteur sonna, et cette fois il donna l'ordre de faire monter Joey. Joey entra, et quoiqu'il fût plus ferme sur ses jambes que son maître, il paraissait avoir aussi trouvé quelques boissons cordiales qui avaient eu son approbation. « Sir Louis désire se coucher, » lui dit le docteur. « Vous ferez bien de lui donner le bras. » « Naturellement, je le lui donnerai, » dit Joey en restant immobile près de la porte. « Je prendrai encore un verre de ce vieux vin, si vous le permettez, docteur, » dit Sir Louis en saisissant le carafon. « Il est bien difficile de refuser quelque chose à un hôte. » Le docteur n'aurait su comment s'y prendre en ce moment, de sorte que Sir Louis but encore un verre de vin de Porto après en avoir répandu la moitié sur la table. « Avancez, » dit le docteur d'un ton irrité, « et donnez le bras à votre maître. » « Je le lui donnerai naturellement si mon maître me le dit. Mais s'il vous plaît, docteur Thorne, » et Joey porta la main à son front d'une manière plus impudente que polie, « je désire vous demander quelque chose. Où dois-je coucher ?»« Coucher ?» dit le docteur. « Je n'en sais rien et ne m'en occupe pas. Adressez-vous à Janet. » « Cela est très bien, mon maître. Tenez votre langue, Bellitre. » dit Sir Louis. « Que diable avez-vous besoin de dormir? Venez ici !» Il se retira dans sa chambre avec l'aide de son domestique. « S'est-il grisé ?» demanda tout bas Merrick quand son oncle la rejoignit dans le salon. « Ne m'en parlez plus ce soir, » dit-il, le malheureux. « Maintenant prenons le thé, Mary. » Que pouvait-on faire d'un pareil hôte? Il s'était invité lui-même, et il était impossible au docteur de lui dire de s'en aller, impossible même de le dire à son insolent balai. Il n'y avait aucune raison de ne pas le croire quand il disait qu'il était venu à Greshamsbury pour relancer le Squire. Telle était sans aucun doute son intention. Peut-être relancerait-il aussi Lady Arabella. Frank lui-même devait bientôt arriver, et il se pouvait que le baronnet le relançât également. Mais l'affaire prit une tournure très singulière et toute différente de celle à laquelle s'attendait le docteur. Le lendemain matin, un des grooms de Greshamsbury arrêta son cheval devant la porte du docteur Thorne. Il était porteur de deux lettres, l'une pour le baronnet, l'autre adressée au docteur, et était ainsi conçue. « Cher docteur, venez, je vous prie, dîner avec nous demain et amenez Sir Louis Scatcherd. Si vous êtes l'homme que je crois connaître, vous ne refuserez pas. Lady Arabella écrit un mot à Sir Louis. Il n'y aura qu'Auriel et M. Gatsby, qui est en ce moment au manoir. Toujours à vous. » F.N. Gresham. Greshamsbury, juillet 1850 et quelques. P.S. Je vous prie instamment de venir et j'espère que vous n'aurez pas le courage de me refuser. Le docteur lut deux fois cette lettre avant de pouvoir y croire. Puis il dit à Janet de porter l'autre à Sir Louis. Comme ces invitations étaient en contradiction avec la tactique à l'ordre du jour à Greshamsbury, l'extrême politesse de Lady Arabella doit être expliquée. M. Gatsby était alors au manoir, et il est permis de présumer que les choses ne s'y passaient pas comme autrefois. Non seulement M. Gatsby était un homme à la mode, mais c'était encore un esprit sagace, et il avait résolu d'employer tous ses efforts en faveur de la cause de Greshamsbury. On verra plus tard où il voulait en venir. Il n'était guère probable que l'arrivée dans le village d'un personnage comme Sir Louis pût échapper à l'attention. M. Gatsby en avait eu connaissance avant le dîner, et on avait parlé dans la soirée avec Lady Arabella. La noble dame n'était nullement disposée à faire grand cas de Sir Louis, et tout d'abord elle se révolta quand M. Gatsby essaya de lui faire comprendre qu'il était d'une sage politique de faire acte de courtoisie. Elle finit cependant par se laisser persuader. « Mais ne sera-ce pas très singulier, M. Gatsby, de l'inviter chez le docteur Thorne ?»« Oh, nous devons aussi inviter le docteur, Lady Arabella. De toute manière, il faut l'inviter. » Le front de Lady Arabella se rembrunit. « Monsieur Gatsby, vous ne pouvez vous faire une idée de la conduite de cet homme à mon égard. »« Mais il n'est pas même digne de votre ressentiment, » dit Monsieur Gatsby en s'inclinant. Je ne sais trop. Dans un sens, oui, mais dans un autre, non. Je crois vraiment qu'il me serait impossible de m'asseoir à la même table que lui. » M. Gatsby n'en gagna pas moins ce second point. Une semaine s'était écoulée depuis la visite de Sir Romy Cranpie, et le squire avait journellement rappelé à sa femme le dernier conseil de ce grand prince de la science. Lady Arabella lui avait toujours répondu sur le même ton. « Vous ne savez pas comme cet homme m'a insulté, M. Gresham. » Cependant, l'avis du médecin n'avait pas été sans poids pour elle. Il s'accordait trop bien avec son intime conviction. Elle eût bien voulu revoir le docteur à son chevet si elle avait pu l'y appeler sans préjudice pour son orgueil. Son mari, pensait-elle, l'y ramènerait probablement sans sa permission, et alors il lui serait possible de montrer son mécontentement tout en profitant des bons soins du docteur. Mais il ne vint jamais à la pensée de M. Gresham de heurter ainsi de front l'entêtement de sa noble épouse, de sorte que le docteur Filgrave continuait ses visites. Cependant, la proposition de M. Gatsby lui ouvrait une porte qui pouvait l'amener à son but. « Eh bien, dit-elle avec une parfaite abnégation d'elle-même, si vous pensez que cela puisse servir les intérêts de M. Gresham, et s'il lui convient d'inviter le docteur Thorne, je ne me refuserai pas à le recevoir. » Puis M. Gatsby eut à discuter cette affaire avec M. Gresham. Ce n'était pas non plus chose facile, car M. Gatsby n'était nullement dans les bonnes grâces du squire. Il finit cependant par le persuader aussi. M. Gresham fut heureux de pouvoir inviter de nouveau son vieil ami dans sa propre maison, et quoiqu'il eût préféré que cette preuve de condescendance de la part de sa femme lui fût parvenue par un autre canal, il écrivit au docteur la lettre que nous avons citée plus haut. Le docteur, ainsi que nous l'avons dit, la lut deux fois et résolut d'abord de refuser l'invitation du squire. « Oh, acceptez, acceptez, je vous en prie, » lui dit Mary. « Acceptez, je vous en supplie. » « Non, certes, je n'accepterai pas. Il y a des choses qu'on doit supporter, mais il y en a d'autres qu'on ne doit pas supporter. »« Allez-y, mon oncle, » dit Mary qui avait pris la lettre des mains du docteur et qui l'avait lue. « Vous ne pouvez refuser ce qu'on vous demande avec tant d'instance. »« Cela me fera beaucoup de peine, mais je me vois forcé de refuser. »« Je suis aussi très fâché contre Lady Arabella, mon oncle, mais quant au squire, j'irai chez lui sur mes genoux s'il me le demandait. »« Oui ?» Et s'il vous avait invité, ce serait bien différent. Mais c'est lui qui invite, mon oncle, et non Lady Arabella. D'ailleurs, Sir Louis ne peut guère y aller sans vous, et je suis sûr qu'il acceptera. Oui, et qu'il se conduira comme une brute. Ce colloque fut interrompu par un message de Sir Louis qui faisait prier le docteur de monter auprès de lui. Le jeune baronnet, enveloppé dans sa robe de chambre et assis devant sa table de toilette, prenait une tasse de café pendant que Joey préparait ses rasoirs et de l'eau chaude. L'odorat du docteur lui révéla aussitôt qu'il y avait avec le café un ingrédient qui ne provenait pas de sa cave. « Prenez-vous de l'eau-de-vie si matin, Sir Louis ?»« Seulement un petit chasse-café, » dit le baronnet, qui ne comprenait pas exactement le sens du mot français dont il se servait. « C'est tout ce que je prends maintenant, et c'est excellent pour l'estomac. » « Ce n'est point excellent pour votre estomac, au contraire, c'est la pire chose que vous puissiez prendre si vous désirez vivre. »« N'importe pour le moment, docteur. Regardez ceci. C'est ce qu'on peut appeler poli, hein ?» Et il lui tendit le billet de Lady Arabella. « Non qu'il n'ait pas quelque objet en vue, je comprends. Ils ont une ribambelle de fille, hein ?» Le docteur prit le billet et le lut. « C'est très poli de leur part, » dit-il, « très poli. » « J'accepte, naturellement. » « Je n'en veux pas au squire parce qu'il ne peut pas me payer l'argent qu'il me doit. Je ferai honneur à son dîner et je regarderai ses filles. Avez-vous aussi reçu une invitation, docteur ?»« Oui. Et vous irez ?»« Je ne le pense pas. Mais cela ne doit en rien vous influencer, Sir Louis. »« Eh bien, qu'y a-t-il ?»« Descendez un moment, » dit le docteur en se tournant vers Joey, « et attendez qu'on vous appelle. Je désire parler à votre maître. » Joey regarda un instant le baronnet, comme s'il n'eût attendu que le plus petit encouragement pour résister aux ordres du docteur. Mais voyant que Sir Louis ne disait rien, il sortira lentement et resta, cela va sans dire, derrière la porte, l'oreille collée au trou de la serrure. Alors le docteur commença un long et inutile sermon. Son but, avant tout, était de recommander à son pupille de ne pas s'enivrer chez le squire. Arrivé à ce point, il continua sa mercuriale et réussit à effrayer Sir Louis. Celui-ci n'avait pas les nerfs d'acier de son père, nerfs que l'eau de vie elle-même n'avait pu dompter tout à fait. Le docteur lui parla avec énergie et le menaça d'une mort prompte, presque immédiate, s'il ne mettait un terme à ses excès. Il lui démontra l'impossibilité où il serait de vivre assez longtemps pour disposer lui-même de sa fortune et réussit, comme nous venons de le dire, à l'effrayer. Il n'avait jamais pu réussir à effrayer le père. Mais il est des hommes qui, malgré leur peur de la mort, redoutent encore plus les souffrances du moment et qui ne supporteront pas la moindre douleur s'il y a moyen d'y échapper. Sir Louis était un de ces hommes. Il n'avait ni le courage ni la force de prendre une bonne résolution et de la tenir. Il promit au docteur de se réformer et, en le promettant, il avala sa tasse de café et d'eau-de-vie, dans laquelle les deux liquides étaient mêlés à proportion égale. Le docteur se décida à accepter enfin l'invitation du squire. Quelque parti qu'il prit, il était peu satisfait de lui. Il ne se fiait pas assez au baronnet pour le laisser aller seul au manoir, et d'un autre côté, il n'aimait pas à montrer son irritation. La pensée de s'asseoir à la table de Lady Arabella avant qu'elle lui réparait ses torts envers Mary ne lui était pas moins désagréable, mais son affection pour le squire finit par l'emporter sur toutes ses considérations. La visite de Sir Louis était, sous tous les rapports, très préjudiciable au docteur. Il ne pouvait faire ses tournées quotidiennes, ne voulant pas laisser Mary seule avec un pareil homme. Dans l'après-midi du second jour, elle se réfugia au presbytère, où elle resta une heure ou deux. Puis elle alla faire quelques visites chez ses vieilles amies, les fermières du voisinage. Le docteur n'en craignit pas moins de quitter Sir Louis. Que pouvait-il faire, laisser seul dans un village comme Greshamsbury? Il resta donc à la maison, et ils vérifièrent ensemble leurs comptes, car le baronnet ne plaisantait pas au sujet de ses comptes. Il insista même beaucoup pour faire venir Finney à Greshamsbury, mais le docteur s'y opposa formellement. Cette soirée se passa mieux que la précédente, du moins la première partie de la soirée. Sir Louis ne se grisa pas. Il monta au salon pour prendre le thé, et Mary, qui n'éprouvait pas à ce sujet la même anxiété que son oncle, regretta presque sa sobriété. À 10 heures, il sortira dans sa chambre. Mais les troubles de la journée n'étaient pas à leur fin. Le docteur était descendu dans son cabinet de travail pour tâcher de réparer un peu le temps perdu, et il venait de s'installer à son bureau quand Janet entra à l'improviste dans la chambre, suivie de Brigitte, qui fondait en larmes. « S'il vous plaît, monsieur, » dit Janet, que l'indignation rendait à son insu un peu moins respectueuse que de coutume. « S'il vous plaît, monsieur, ce jeune homme doit quitter la maison. Sans cela, aucune jeune femme respectable ne voudra y rester. Aucune, monsieur. »« Quel jeune homme, Sir Louis ?» demanda le docteur. « Oh non, il est presque toujours au lit, lui. Il ne fait pas de mal, que je sache. Ce n'est pas lui, c'est son domestique, c'est cet homme. »« Cet homme ?» dit Brigitte en sanglotant. « Certes, ce n'est pas un homme. Si Thomas avait été ici, il ne l'aurait pas osé. » Thomas était le groom du docteur, et s'il fallait en croire la rumeur publique, il était probable que Thomas et la jeune Brigitte serraient un jour les deux nœuds de l'hyménée. « S'il vous plaît, monsieur, » continua Janet, « les choses iront mal si ce jeune homme ne quitte pas la maison ce soir même. Tom se bat pour un rien, il est sorti maintenant, mais si ce jeune homme est encore ici quand Tom reviendra, Tom lui cassera la tête, à coup sûr. » « Tom ne supporterait pas de voir insulter une pauvre fille, » murmura Brigitte à travers ses sanglots. Le docteur apprit enfin que M. Jonas avait exprimé son admiration pour les jeunes attraits de Brigitte et qu'en l'absence de Janet et de Thomas, il s'était jeté à ses genoux avec des gestes contre lesquels Brigitte s'était défendue avec le rouleau à pâtisserie, dont un coup vigoureux l'avait laissé tout couvert de sang dans l'arrière-cuisine. En entendant le récit de son exploit, Brigitte redoubla ses sanglots. Mais le docteur, ayant remarqué le bras de la pauvre fille lorsqu'elle porta son tablier à ses yeux, se prit à désirer, dans le fond de son cœur, que la correction eût été assez forte pour rendre inutile toute intervention de Thomas. Il en fut ainsi. Le docteur eut à panser le nez de Jonas dans une petite chambre du cabaret du village, Brigitte ayant positivement refusé de rester sous le même toit qu'un adorateur aussi mal appris. Ainsi s'achève la deuxième et avant-dernière partie du docteur Thorne d'Anthony Trollope.